L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 61. Prise de parole. Je croyais que tu venais. Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes. Entre, mais ne fais pas de bruit. Je crois bien que Sylvie est en train de dormir. Mais elle passe tous ses après-midi au lit maintenant? Elle est très fatiguée ces temps-ci. Où as-tu caché la tarte aux fraises? Je crois que Paul l'a mangée cette nuit. Toutes? Toutes? Et comme d'habitude, il se réveillera avec de violents maux d'estomac. Tant mieux. Je suis sûre qu'ainsi, il n'en mangera plus. On ne peut pas avoir une discussion normale avec lui. Tu verras qu'il a toujours raison, qu'il avait toujours raison et qu'il aura toujours raison. Je doute qu'il aille à Rome tout seul. Il ne parle pas un mot d'italien. Je ne crois pas qu'il soit allé à Paris sans Hélène. Il ne voyage jamais sans sa femme. Je doute qu'il soit allé à Madrid la semaine dernière. Les aéroports étaient en grève. À moins qu'il ait pris le train. Je n'admettrai jamais que mon mari aille à Paris sans moi. Même pour un voyage d'affaires? Surtout pour un voyage d'affaires. Je croyais que tu venais avec nous au cinéma. Ce sera pour une autre fois. J'étais sûr qu'il avait mangé avec vous. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Pierre n'est pas là? J'étais certaine qu'il viendrait. C'est curieux. Tu es trop fatiguée pour sortir ce soir. Il faudrait vraiment que tu dormes un peu. Il fallait que tu te reposes avant de reprendre la route. Tu aurais certainement évité cet accident. Prise de parole. Il disparaît, le tréma? Vous allez écouter maintenant quelques phrases concernant la réforme de l'orthographe. Vous allez donc les répéter lentement. Il n'y a plus d'exception concernant l'accent aigu sur les mots événement, sécheresse et crèmerie. On les écrit désormais avec un accent grave. C'est plus logique, puisque la prononciation était déjà ouverte. Je ne savais même pas que ces mots-là étaient des exceptions. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Allègrement s'écrira désormais avec un accent grave. Et l'accent circonflexe? Disparu. Comment disparu? Oui, on le supprime quand il n'a aucune influence sur la prononciation, c'est-à-dire sur toutes les voyelles sauf A et E. On écrira alors le mot « il » sans accent. Oui. « Il »,« huître »,« chêne »,« brûlé »,« goût »,« abîme ». Par contre, une âme est toujours une âme et un être, un être. Il faut préciser qu'il y a malgré tout 6 exceptions. Le contraire m'aurait étonné. Les verbes en être, comme « naître » et les mots « cru », du, mûr, sûr et jeune, pour éviter d'éventuelles confusions avec leur homonyme. Et le tréma, il disparaît le tréma? Non, au contraire. On le trouvera même sur des mots comme gageure, pour en faciliter la lecture. Prise de parole. Les mots étrangers. Écoutez et répétez maintenant les phrases suivantes. Et le trait d'union? On pourra enfin écrire pique-nique en un seul mot? Et passe-partout? Basse-cour? Autostop? Et porte-clé comme portefeuille? Oui, et les mots composés avec entre, contre et extra se soumettent à la même règle. On écrira s'entretuer sans trait d'union, comme contre-ordre et extra-conjugal. Et les mots scientifiques? Et les mots étrangers? Même chose. On parlera d'un problème cardiovasculaire en un seul mot et on évoquera les cow-boys, les week-ends et les striptease de la même manière. Le trait d'union a tendance à disparaître alors? Pas partout. On le trouve encore dans les nombres complexes comme 84 et dans quelques autres mots comme un ouvre-boîte ou un pot de vin. Ah, il était temps que certaines anomalies de la langue française disparaissent. Par exemple? Certaines voyelles inutiles. Par exemple? Par exemple, le deuxième i de châtaignier, de groseillier, de joaillier, et le troisième i du mot quincailler. Le verbe s'asseoir aussi s'écrira sans e, et le mot sous sans a. Ces voyelles étaient inutiles parce qu'elles ne changeaient rien à la prononciation du mot. Et les consonnes inutiles? Effectivement, certaines vont disparaître. On écrit grelotté avec un seul T maintenant, corolle avec un seul L aussi dans fumerolle et dans mariole. Prise de parole. Comme des après-dîners. Voici maintenant quelques phrases sur les réformes concernant le pluriel des mots composés et les mots étrangers. Dans cette réforme, on conseille aussi le pluriel interne pour tous les nombres. Au lieu d'écrire 84, on ajoutera un S à 20. Et puis? Et puis, on généralise la marque du pluriel dans les mots composés. On mettra au pluriel seulement le deuxième membre du mot. Des chauffe-eau, des presse-citrons, comme des après-dîners. Et trompe-l'œil? Non, trompe-l'œil reste invariable. Tu m'as dit que le trait d'union avait disparu dans les mots étrangers. Et que fait-on pour le pluriel? Tous les mots étrangers, qu'ils soient anglais, italiens, allemands, chinois, doivent se plier aux exigences de la grammaire française. Le pluriel est systématiquement français. Des week-ends? Oui, et ils prendront un accent chaque fois que le nécessitera la prononciation. On devra ajouter un accent aigu aux mots comme desiderata et sombrero? Exactement. J'ai entendu dire que pour les participes passés, on ne faisait plus aucun accord. Tu prends tes désirs pour la réalité. Il y a une modification, c'est vrai, mais elle concerne simplement le verbe laisser quand il est suivi d'un infinitif. Le participe passé restera invariable. Il suivra le modèle de fait. Je n'y comprends rien. On écrira « je les ai laissés partir » comme « je les ai fait partir ». C'est tout. Écoute, c'est la fin des haricots. Vous allez écouter maintenant avec attention les phrases suivantes. Moi, je suis ravie qu'on ait finalement décidé de simplifier la langue française. Tu te frottes les mains, mais tu sais, il n'y a rien dans cette réforme qui bouleverse complètement la langue. Non, mais c'est un début. Et puis, le français n'a pas besoin d'être bouleversé, pas du tout. Il faut le moderniser, c'est tout. Il n'y a plus de traits d'union, plus de circonflexes. C'est le bouquet. Tu exagères un peu. Les traits d'union et les circonflexes existent toujours. Et puis, ce ne serait pas un drame. On veut tout changer. La nature, la religion, et maintenant la langue. C'est vraiment la fin des haricots. Je suis parfaitement d'accord. Le français, c'est une langue difficile, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Ah, parce que tu trouves qu'un tréma ou un accent grave, ça a du charme. Bien sûr. C'est le bouquet, ça. Il ne faut pas vouloir tout changer pour un oui, pour un non, tu as raison. Mais pour ce qui concerne l'orthographe, il ne s'agit que de petites modifications qui tendent à simplifier l'écriture de la langue, c'est tout. Une réforme de l'orthographe, ça? Il ne faut pas exagérer quand même. C'est vrai, un accent grave ou un accent aigu, franchement, c'est du pareil au même. Il faut se faire une raison. Les temps changent, les langues évoluent. C'est ça aussi le progrès. Quelqu'un qui veut simplifier une langue, c'est quelqu'un qui n'aime pas cette langue, qui n'aime pas la littérature. Voilà ce que j'en pense. Ah bon? Et sais-tu ce que Théophile Gautier a dit un jour à Baudelaire? Non. Je mettrai l'orthographe même sous la main du bourreau. Alors? Conversation. Fada que vous êtes. Oh, monsieur, vous permettez que je touche votre pompon, s'il vous plaît? Vous êtes la troisième personne de ce matin. Quel succès! Alors, je peux? Bien sûr. Mais cette fois, je pose une condition. Tout ce que vous voulez. Si mon pompon vous porte chance, alors vous m'écrivez pour me le dire. D'accord? D'accord. Bien. Tenez, voilà mon béret. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. C'est toujours un temps magnifique ici. C'est vrai qu'à Paris, peu cher, avec la pluie, le brouillard, la neige, c'est pas la fête tous les jours, hein? Il ne faut quand même pas exagérer. Le soleil, ça existe aussi. Et la mer? À Paris, nous avons la Seine. Que vous prenez soin de polluer tous les jours. Fada que vous êtes. De toute façon, nous avons dans nos musées les plus grandes toiles des plus grands peintres. Et je peux vous assurer que les mers qu'ils ont peintes sont beaucoup plus suggestives que vos côtes pleines de hors-bord et de pétroliers. Et la vie? La vie? Métro, boulot, dodo. Vous croyez que c'est une vie, ça? Vous vous tuez toute l'année pour pouvoir vous permettre quelques jours de vacances ici. Alors que nous, la plage, le beau temps, l'air pur, nous avons ça tous les jours, gratuitement, du matin au soir. Fada, je vous dis, vous êtes tous des fadas. Enfin, bah, voilà un papier et un crayon. Oui? Vous écrivez votre nom et votre adresse pour le pompon. C'est vous qui devez me donner les vôtres. C'est moi qui dois vous écrire. Métro, boulot, dodo. Vous allez oublier de le faire, j'en suis sûr. Tenez. Non. Vous avez touché le pompon, oui ou non? Oui, mais si je vous donne mon adresse, je ne suis pas certaine du tout qu'il me porte chance. Ah, ces Marseillais, tous les mêmes. Oh, monsieur, vous permettez que je touche votre pompon, s'il vous plaît? Vous êtes la troisième personne ce matin. Quel succès! Alors, je peux? Bien sûr, mais cette fois, je pose une condition. Tout ce que vous voulez. Si mon pompon vous porte chance, alors vous m'écrirez pour me le dire. D'accord? D'accord. Bien, tenez, voilà mon béret. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Il fait toujours un temps magnifique ici. C'est vrai qu'à Paris, peu cher, avec la pluie, le brouillard, la neige, c'est pas la fête tous les jours. Il ne faut quand même pas exagérer. Le soleil, ça existe aussi. Et la mer? À Paris, nous avons la Seine. Que vous prenez soin de polluer tous les jours, fada que vous êtes. De toute façon, nous avons dans nos musées les plus grandes toiles des plus grands peintres. Et je peux vous assurer que les mers qu'ils ont peintes sont beaucoup plus suggestives que vos côtes pleines de hors-bord et de pétroliers. Et la vie? La vie? Métro, boulot, dodo. Vous croyez que c'est une vie, ça? Vous vous tuez toute l'année pour pouvoir vous permettre quelques jours de vacances ici. Alors que nous, la plage, le beau temps, l'air pur, nous avons tout ça tous les jours, gratuitement, du matin au soir. Fada, je vous dis. Vous êtes tous des fadas. Enfin, bon, voilà un papier et un crayon. Oui? Vous écrivez votre nom et votre adresse, pour le pompon. C'est vous qui devez me donner les vôtres? C'est moi qui dois vous écrire. Métro, boulot, dodo. Vous allez oublier de le faire. J'en suis sûr. Tenez. Non. Vous avez touché le pompon, oui ou non? Oui. Mais si je vous donne mon adresse, je ne suis pas certaine du tout qu'il me porte chance. Ah, ces Marseillais, tous les mêmes. Aimer ce qu'on a. Vous ne savez pas ce que je donnerais, moi, pour être à votre place. Pour être à ma place? Ah oui. La vie au grand air, la nature, les animaux. Le grand air, effectivement. Surtout quand on passe un hiver dehors sous la neige et qu'il gèle à pierre fendre. La nature, c'est vrai. Les sécheresses, les inondations et toutes nos récoltes perdues. Et les animaux? Il faut les nourrir, les animaux. et tous les jours. Les vacances pour moi, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'est pas facile tous les jours, c'est évident. Mais c'est une vie saine. Pensez à la mienne à Paris, entre les pots d'échappement, les fumées des usines, le bruit, les gens qui courent sans arrêt. Mais vous avez tout, vous, à Paris, les théâtres, les cinémas, les concerts, les ballets, les beaux magasins, les belles voitures. Allumez la télé et vous avez la même chose. Les gens de la campagne sont plus isolés maintenant, ils en savent autant que les citadins. Et puis quand le matin, vous assistez au lever du soleil, c'est un spectacle magnifique que vous êtes les seuls à avoir à la campagne. Et vous pouvez penser, réfléchir, méditer. Penser à la vache qui peut veiller d'un moment à l'autre. Réfléchir à ce que va ou ne va pas vous nous rapporter la moisson cette année. Et méditer sur le tracteur ou la moissonneuse qui ne marche plus. Vous voyez, personne n'est jamais satisfait de son sort. Nulle part, jamais. Vous avez peut-être raison. J'ai raison. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Non, il faut aimer ce qu'on a. C'est ça le bonheur. Et puis, rien ne vous empêche de venir ici, et moi à Paris. C'est un choix. Peut-être. Et n'oubliez jamais que toutes les médailles ont un revers. Et tous les revers, une médaille. Bonne journée. Vous ne savez pas ce que je donnerais, moi, pour être à votre place. Pour être à ma place? Oui, la vie au grand air, la nature, les animaux. Le grand air, effectivement. Surtout quand on passe un hiver dehors, sous la neige, et qu'il gèle à pierre fendre. La nature, c'est vrai, les sécheresses, les inondations et toutes nos récoltes perdues. Et les animaux, il faut les nourrir, les animaux, et tous les jours. Les vacances, pour moi, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ce n'est pas facile tous les jours, c'est évident, mais c'est une vie saine. Pensez à la mienne à Paris, entre les pots d'échappement, les fumées des usines, le bruit, les gens qui courent sans arrêt. Mais vous avez tout, vous, à Paris. Les théâtres, les cinémas, les concerts, les ballets, les beaux magasins, les belles voitures. Allumez la télé et vous avez la même chose. Les gens de la campagne ne sont plus isolés maintenant. Ils en savent autant que les citadins. Et puis, quand le matin, vous assistez au lever du soleil, c'est un spectacle magnifique que vous êtes les seuls à avoir à la campagne. Et vous pouvez penser, réfléchir, méditer. Penser à la vache qui peut veiller d'un moment à l'autre. Réfléchir à ce que va ou ne va pas nous rapporter la moisson cette année. Et méditer sur le tracteur ou la moissonneuse qui ne marche plus. Vous voyez, personne n'est jamais satisfait de son sort. Nulle part, jamais. Vous avez peut-être raison. J'ai raison. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Non, il faut aimer ce qu'on a. C'est ça le bonheur. Et puis, rien ne vous empêche de venir vivre ici. Et moi, à Paris, c'est un choix. Peut-être. Et n'oubliez jamais que toutes les médailles ont un revers. Et tous les revers, une médaille. Bonne journée. Unité 62. Prise de parole. Salé ou à l'huile? Voici maintenant quelques phrases concernant les différents poissons. Vous allez les écouter et vous les répéterez lentement. J'ai toujours préféré les poissons de mer aux poissons d'eau douce. Ils sont bien meilleurs. Quand ils sont frais, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que deux types de poissons. Les poissons de mer, qui vivent et se reproduisent dans l'eau salée, et les poissons d'eau douce, qui vivent et meurent dans les lacs et dans les fleuves. Et les saumons? Les saumons sont des poissons migrateurs qui abandonnent la mer et remontent les fleuves pendant la saison du frais. Je n'ai pas le temps de cuisiner aujourd'hui. Alors, j'ai acheté un peu de pâte d'anchois et une boîte de sardines. Salée ou à l'huile? À l'huile, c'est meilleur. Tu utilises quel type de condiment pour ce poisson? Du vinaigre et du vin blanc. Le poisson mariné au vin blanc, j'adore ça. J'ai envie de manger du poisson aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Des soles? Des merlans? Des harengs? Pierre vient de nous dire qu'il a pêché un requin cet été. C'est impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'il n'y a pas de requin au large de Marseille. Quand je pense qu'ici, à Biarritz, on dépeçait les baleines. Les baleines? Oui, là, près du port. Autrefois, il y avait des carpes, des truites, des perches et même des anguilles dans ce fleuve. Aujourd'hui, on ne pêche plus que des boîtes de Coca-Cola et des algues mortes. Prise de parole. Un banc de sardines sous ma barque. Vous allez écouter et répéter quelques phrases concernant la pêche. Bien sûr, la pêche en mer est plus dangereuse que la pêche en eau douce, mais c'est un tout autre spectacle. La pêche maritime et la pêche fluviale, mais c'est impossible à comparer. N'oublie pas ton permis de pêche. Il est dans ma poche. Ah bon? Tu pêches à la ligne? Et tu as tout? La ligne, les hameçons, le moulinet, le filet? Oui, il ne manque que les appâts. Qu'est-ce que tu utilises comme appât? Ça dépend. Parfois, des mouches. C'est la troisième fois que je rentre bredouille. Tu n'es pas assez patient. Comment pas assez patient? Il n'y a plus de poissons dans cette rivière. Plus rien. Tu as pêché tout ça en 2 heures? Oui, j'ai eu de la chance. Il y avait un banc de sardines juste sous ma barque. Tu élèves des poissons? Tu as un vivier alors? Plusieurs. Et depuis quand t'intéresses-tu à la pisciculture? Depuis que les poissons de la rivière ont disparu. J'essaie de la repeupler avec mes alevins. On verra. Tu as horreur du poisson. Tu ne vas jamais à la pêche. Alors pourquoi veux-tu acheter un aquarium? Parce que c'est joli. On a décidé d'offrir un bocal de poisson rouge à Anne pour son anniversaire. C'est une idée originale, n'est-ce pas? Les pêcheurs ne disent jamais qu'ils ont pêché trop de poissons. C'est vrai, ils disent qu'ils ont pêché assez de poissons ou suffisamment de poissons. Et s'ils savent qu'ils ne pourront pas tous les manger, ils les offrent à leurs voisins et à leurs amis. Qu'il est petit cet alevin, on le voit à peine. Il grandira, peu à peu. Petit poisson deviendra grand, tu connais le proverbe? Tu es encore rentré bredouille? À moitié bredouille. Qu'est-ce que ça veut dire, à moitié bredouille? J'ai eu une grosse amende parce que j'avais oublié mon permis de pêche. Il y a beaucoup de poissons dans ce lac? Je ne peux même pas dire qu'il y a peu de poissons, parce qu'il n'y en a plus du tout. Prise de parole. C'est une vraie bouillabaisse. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases concernant la préparation des poissons en cuisine. J'adore le poisson, mais pour le préparer, quelle affaire! Les écailles, les nageoires, les branchies, on n'en finit plus. Ah, si les poissons n'avaient pas d'arête! Ne cours pas comme ça ici! Tu ne vois pas que tous les meubles de cette pièce ont des arêtes très vives. Tu vas te faire mal. Le chat a volé le poisson rouge. Et où est-il? Sur le toit. Regarde, il est sur l'arête du toit, là-haut. Il faudrait faire restaurer les arêtes de cette voûte. C'est dommage de laisser ce monument tomber en ruine. Paul s'est cassé l'arête du nez en jouant au rugby. Il ne pourra pas vous accompagner au cinéma ce soir. Bon, moi j'écaille le poisson et toi tu le vides. Je ne veux pas le vider, ça me dégoûte. Moi j'écaille et toi tu vides. Tu as fait une soupe de poisson. Quelle excellente idée! Et ce n'est pas n'importe quelle soupe de poisson, c'est une bouillabaisse, une vraie bouillabaisse marseillaise. J'ai très envie de manger une friture de poisson. Moi aussi. On va au restaurant? Tu achètes du poisson surgelé ou en conserve? Ça dépend. Hier, j'ai acheté une boîte de thon au naturel et une autre de caviar. Moi, j'adore le saumon fumé, le hareng sort aussi, et la morue séchée. Quand j'achète du poisson, je préfère qu'il soit surgelé, parce que je ne suis pas obligé de le manger entièrement, et je peux le conserver au frigo. Alors que le poisson frais, c'est une autre histoire. Il est arrivé au moment où je commençais à écailler le poisson. Il arrive toujours lorsque je suis en train de faire la cuisine. Chaque fois qu'il mange du poisson, il se blesse avec une arête. Le jour où il apprendra à en manger correctement, comme tout le monde, alors ce jour-là, j'accepterai ses invitations au restaurant. Pendant que j'écaille le saumon, tu vides la perche. Et tandis que je mets l'eau à bouillir, tu prépares le vinaigre et le vin blanc. Mais tu ne touches pas au reste tant que les poissons ne sont pas prêts. Et n'oublie pas, il faut laisser bouillir l'eau aussi longtemps que le précise la recette. Je vais te la lire et au fur et à mesure que je te la lis, tu prépares les condiments. Prise de parole. Les côtes de la mer Rouge. Nous allons évoquer maintenant les mers et les océans de notre planète. Vous allez donc écouter les phrases suivantes avec attention. Et vous les répéterez. Tu passes toujours tes vacances à la mer? Sur la mer Méditerranée, oui. Le littoral méditerranéen est magnifique. Je ne prends jamais l'autoroute pour aller de Cannes à Marseille. Je préfère la route littorale. Et tu peux ainsi admirer la flore et la faune littorale. Tu as bien raison. Tu as l'air fatigué ce soir. Je viens juste d'assister à une réunion au bureau. Une réunion qui a dû être assez houleuse alors. C'est bien joli la mer du Nord. Mais quand je dois aller à Londres, je prends l'avion. C'est plus rapide. Ce n'est pas ça. La mer du Nord est souvent très houleuse. Et moi j'ai le mal de mer chaque fois. C'est une mer poissonneuse? Assez, surtout du côté des baies et des golfes que tu vois. Je viens de passer un mois sur les côtes de la mer Rouge, tu connais? La mer Rouge, non. Je connais la mer Noire et un peu la mer Baltique. Alors, l'océan? Les océans, tu veux dire. Je viens de passer 6 mois en mer. J'ai traversé l'océan Atlantique, l'océan Pacifique... Et l'océan Indien. Et tu as rencontré des dauphins? Des dauphins, des phoques, des poissons-lune et des poissons-scie. Un vrai paradis. Je ne rêve que d'y retourner. On y va? Tu viendrais avec moi? Tout de suite? Bien sûr. Il faut bien que je largue les amarres un jour ou l'autre, moi aussi.